بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة هذه الدروس في شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى on continue chers frères. Donc c'est cette série de cours dans l'explication de l'écrit profitable et important et même grandiose de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Et donc vu qu'on a vu que le tawhid il se divise en trois, on va voir aujourd'hui justement bi'idhnillahi ta'ala le premier genre. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah tawhidu ar-rububiyyah. L'unicité dans la seigneurie. L'unicité dans la seigneurie. C'est quoi l'unicité dans la seigneurie? Huwa ifradullahi bi'af'alihi. Ifradullahi bi'af'alihi. C'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Le tawhid de manière générale, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ce qui lui est propre. Dans ce qui lui revient de manière spécifique. Le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ses actes à lui, dans ce qu'il fait. On va le comprendre, inshallah ta'ala. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. En ce qui concerne l'unicité dans la seigneurie, alors c'est cette forme de tawhid que les incroyants ont accepté à l'époque du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وهو توحيده بأفعاله تعالى. Et donc ici l'auteur rahimahullah, il nous dit que le fait que c'est que les incroyants à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, ils n'ont pas et donc ils ont le fait, ils ont quand même accepté, du moins ils ont accepté l'unicité dans la seigneurie. Cela ne les a quand même pas fait rentrer dans l'islam. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus à l'époque. Et l'unicité dans la seigneurie, il nous dit l'auteur rahimahullah, c'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, de reconnaître son unicité dans ses actes à lui. C'est-à-dire que parmi ses actes, il y a le fait que Allah c'est lui qui crée, c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui accorde la vie, c'est lui qui accorde la mort, c'est lui qui gère tout. Et donc, tu ne vas pas, au lieu de dire, oh, si tu me dis l'unicité dans la seigneurie, c'est reconnaître l'unicité d'Allah dans la création, dans la gérance, dans le fait de tout gérer, dans le fait d'accorder la subsistance, etc. Là, je te dirais, tu m'as donné des exemples. Tu m'as donné des exemples. Parce que les actes d'Allah sont nombreux. Mais l'unicité dans la seigneurie, de manière générale, c'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Voyez, l'auteur qui nous dit après cela, rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, la preuve que les incroyants, ils ont accepté l'unicité dans la seigneurie, c'est quoi? C'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, c'est-à-dire dis ô Muhammad, qui est celui qui accorde la subsistance depuis les cieux, c'est-à-dire qui est celui qui fait descendre la pluie? Qui est celui qui accorde la subsistance depuis les cieux? Allah tabaraka wa ta'ala. Il continue, « Amman yamliku sam'a wal absar » Qui est celui qui détient la vue et l'ouïe? Qui détient tout cela? C'est Allah. « Waman yukhrijul hayya min al-mayyit » Qui est celui qui fait sortir le vivant du mort? Comment ça fait sortir le vivant du mort? Les savants, ils nous disent, faire sortir le vivant du mort, de comme faire sortir l'être humain du liquide. Le liquide spermatique, c'est un liquide. Et de ce liquide-là, Allah tabaraka wa ta'ala crée l'être humain, le bachar, qui ensuite va grandir, va être fort, etc., etc. Et donc le fait de faire sortir le vivant du mort, les savants ils nous disent, ou alors le fait de faire sortir l'arbre d'une graine. Cette graine ou ce grain que tu vas voir, Allah tabaraka wa ta'ala va faire sortir des arbres, des fruits, des plantes, etc. Ou alors, les savants ils nous disent, le fait de faire sortir l'oiseau de l'œuf. Hein? De cet œuf-là, qui en réalité n'est pas vivant, de cet œuf sort un oiseau qui vole et qui est vivant, qui se déplace. Les savants, ils nous disent, ou alors, encore, un autre exemple, le fait de faire sortir le musulman du non-musulman. C'est-à-dire, le fait que le non-musulman devienne musulman. Le non-musulman devienne musulman. Et donc, qui fait tout cela? Et « وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ » Et celui qui fait sortir le mort du vivant, c'est l'inverse. « وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ » Qui gère tout? « فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ » Alors, ils diront, c'est Allah. Ça, c'est à l'époque des koufars, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les koufars de Quraysh, ils diront Allah. Donc, si tu leur demandes qui fait tout ça, ils diront, c'est Allah. « فَكُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ » Alors, dis, ne craignez-vous pas. Comment se fait-il que vous affirmez que Allah, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui a tout géré, c'est lui qui gère tout, et que malgré ça, vous ne l'adorez pas, lui seul? Ne craignez-vous donc pas? Et donc, ces gens-là, ils ont accepté l'unicité dans la seigneurie. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de dire, oui, Allah, c'est lui qui a tout créé. Oh Allah, c'est lui qui a fait. Ce n'est pas suffisant. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Allah, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout, mais ce n'est pas suffisant pour entrer en islam. D'où l'erreur qu'ont certains lorsqu'ils vont nous dire, « La ilaha illallah », ça veut dire, « Il n'y a de créateur que Allah ». Mais non, ce n'est pas ce qui est voulu par là, puisque ce n'est pas suffisant pour entrer en islam, le fait de dire que Allah, c'est le créateur. Si tu demandes aux chrétiens, c'est qui le créateur, ils te diront, c'est Allah. Et donc, cette parole n'est pas suffisante. Et ensuite, l'auteur qui nous cite une deuxième preuve, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Dit à qui appartient la terre et tous ceux qui s'y trouvent, si vous savez. سَيَكُولُونَ اللَّهِ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ Ils diront, tout cela appartient à Allah. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Dit alors, ne suivez-vous donc pas le rappel? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? C'est Yakuluna Lillah. Ils diront tout cela appartient à Allah. Kul efela tattakun. Dit ne craignez-vous donc pas. Kul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Dit qui est celui qui détient entre ses mains la royauté de toutes choses, le royaume de toutes choses, et celui qui préserve et qui n'a pas besoin d'être préservé et dont on ne le préserve pas, in kuntum ta'lamun, si vous savez, c'est yakuluna lillah, ils diront tout cela appartient à Allah. Qul fa anna tusharun, dit comment se fait-il que vous êtes ensorcelés? Allahu Akbar. Dit comment se fait-il que vous êtes ensorcelés? Vous croyez en tout ça? Vous croyez qu'Allah, c'est lui qui a créé tout ça. Et malgré cela, vous allez adorer Jésus ou quelqu'un d'autre. Mais vous êtes ensorcelés. Écoutez ce qu'il dit l'imam Sa'di rahimahullah dans le tafsir de ce verset. Il dit rahimahullah, فَأَيْنَ ذَهَبَتْ عُقُولُكُمْ حَيْثُ عَبَدْتُمْ مَنْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ لَا مُلْكَ لَهُمْ وَلَا قِسْطَ مِنْ مُلْكٍ. Où sont donc passées vos raisons? Par le fait que vous adorez ceux dont vous savez très bien que ce ne sont pas eux qui détiennent la royauté. Et ce ne sont pas eux qui détiennent même une part de la royauté. وَأَنَّهُمْ عَجِزُونَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُورِ. Et qu'ils sont impuissants. Ceux que vous adorez, vous savez très bien qu'ils sont impuissants. Vous me dites que Jésus est mort. Vous me dites que Jésus avait faim. Vous me dites que Jésus si. Vous me dites... Et donc c'est que vous savez qu'il est impuissant. وَتَرَكْتُمُ الْإِخْلَاصَ لِلْمَالِكِ الْعَظِيمِ الْقَادِرِ الْمُدَبِّرِ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ. Et vous avez délaissé le fait d'unifier le Maître suprême, le Tout-Puissant, celui qui gère toutes choses. فَالْعُقُولُ الَّتِي دَلَّتْكُمْ عَلَى هَذَا لَا تَكُونُ إِلَّا مَسْحُورًا. Et donc les raisons qui vous ont appelé à faire cela ne peuvent être que ensorcelées. C'est pas possible. Tu sais très bien que Jésus, il avait faim, il a mangé, pour toi, soi-disant, il est mort, etc., etc. Et malgré ça, tu vas l'adorer. C'est que ta raison, elle a été ensorcelée. Il dit, Sa'di rahimahullah, وَهِيَ بِلَا شَكْ قَدْ سَحَرَهَ الشَّيْطَانِ. Il dit, et il n'y a nul doute que Shaitan, le diable, a ensorcelé leur raison. بِمَا زَيَّنَ لَهُمْ وَحَسَّنَ لَهُمْ وَقَلَّبَ الْحَقَائِقَ لَهُمْ. À cause du fait que Shaitan, il leur a embelli certaines choses, il les a donc rendues selon eux bonnes, et aussi il a retourné les choses, il a retourné les vérités. فَسَحَرَ عُقُولَكُمْ. Alors il a ensorcelé vos raisons. كَمَا سَحَرَتِ السَّحَرَةُ أَعْيُنَ النَّاسِ. De la même façon que les sorciers ont ensorcelé les yeux des gens. Taïb, la question que je pose, barakallahu fikoum, après qu'on a entendu cette belle parole de l'imam Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, qu'est-ce qui est plus grave? Hein? Parce que les gens, hein, il y a beaucoup de gens, ils connaissent la mosquée que quand il y a du sihr autour d'eux. Hein? S'il y a un de leurs proches qui a été ensorcelé, ou si eux-mêmes ils sont ensorcelés, là ils vont se rappeler qu'il y a un endroit qui s'appelle Mesjid. Hein? Les gens ont plus peur d'être ensorcelés par un sorcier que du fait que leur raison soit ensorcelée par un shaitan. Qu'est-ce qui est plus grave? Que ta raison soit ensorcelée par Shaitan et que tu ne comprennes plus rien de ce qui est important dans ta religion. Tu ne comprends pas la guidée, tu ne comprends rien, tu es égaré. Qu'est-ce qui est plus grave, que ta raison soit ensorcelée ou alors que ton corps, que tes yeux, qu'est-ce qui est plus grave? Et donc, ô chers frères, nous devons méditer sur cela, réussir à comprendre que nous devons mettre en avant un point important qui est la compréhension de notre religion. La compréhension de notre religion, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, wal ayatu ala dhalika kathiratun jiddan. أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. الله أكبر. الله أكبر. Il nous dit l'auteur rahimahullah. Et les signes ou alors l'ayat. On peut traduire l'ayat par les versets. Mais ici, je vais le traduire par les signes ou les preuves. Les preuves qui montrent cela, c'est-à-dire qui montrent que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui mérite d'être adoré, et qui montre que les incroyants de Quraysh ont accepté le tawhid dans la seigneurie, mais que cela n'est pas suffisant pour faire rentrer l'individu dans l'islam. Toutes les preuves qui montrent cela, elles sont nombreuses, très nombreuses. Il nous dit trop nombreuses pour être dénombrées et trop connues pour être citées. Elles sont connues. Ça veut dire quoi, elles sont connues? Ça veut dire qu'elles sont connues de tous. Vous allez me dire, même celui qui ne connaît pas l'arabe, je vais vous dire, même celui qui ne connaît pas l'arabe. C'est pour ça que je n'ai pas traduit le mot ayat par verset. Même celui qui ne connaît pas l'arabe. Vous allez me dire, même le non-musulman, je vais vous dire, même le non-musulman. Tous. Parce qu'on a deux formes de ayat, deux formes de signes. Al-ayat al-qawniya ou al-ayat al-shar'iya. On a les signes, les preuves, donc législatives, et on a les preuves aussi mondaines. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous montre la vérité. Et si vous avez déjà vu la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il dit Al-Qur'an kulluhu tawhid, le Qur'an, tout le Qur'an c'est du tawhid. Et donc il y a énormément de preuves dans le Qur'an qui montrent le tawhid. Mais il y a aussi toutes les preuves qu'on voit tous les jours. Tous les jours, tout ça, ça nous montre l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, ainsi que les changements des jours et des nuits, ainsi que les changements des jours et des nuits, ainsi que le navire qui vogue sur la mer, avec tout ce qui est profitable aux gens. Les frères, est-ce que vous avez déjà vu ces gros navires qu'on a aujourd'hui, ces gros bateaux-là, les gros paquebots qui portent des conteneurs? On aurait dit des villes, des cités, tellement c'est grand. Ou alors aujourd'hui, ils nous font des bateaux de croisière, subhanallah, tellement grands, plus grands que des bâtiments. Et cet élément-là, tellement gros, gigantesque, qui flotte sur la mer. Subhanallah. Et si seulement, comment, pourquoi est-ce qu'on ne médite pas sur ça? Il nous dit, il y a dans cela, « وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا » Ainsi qu'en dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre du ciel de l'eau, par laquelle il a donné la vie à la terre après qu'elle fut morte. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Et qu'à partir de là, Allah tabaraka wa ta'ala sur terre, il a fait se propager toute forme de bestiaux. وَتَسْرِيفِ الرِّيَاحِ. Et justement, les changements, donc les variations du vent. والسحاب المسخر بين السماء والأرض et les ciels et les nuages. Et les nuages qui sont dévoués donc entre le ciel et la terre. Il y a en tout cela des signes pour tous ceux qui vont raisonner. Et donc des signes, on en voit tout le temps en fait. On en voit tout le temps. Comment est-ce qu'une personne va douter sur l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala? D'ailleurs, Allah il a cité cet exemple, le changement qu'il y a entre la nuit et le jour. Il y a un poète qui a, donc dans son vers, il a cité une très très belle argumentation. Et il nous dit donc dans cette argumentation que les raisons ne sont pas correctes. Les raisons ne sont plus correctes à partir du moment où on a besoin d'une preuve pour le jour. Est-ce que tu as besoin d'une preuve pour savoir que le jour il est arrivé? Quelqu'un te dit, ah il fait jour, t'es dehors, tu vois bien qu'il fait jour, tu dis, ah Ahmed Dalil. Ah t'es Dalil, c'est quoi ton Dalil qu'il fait jour? À partir du moment où tu vois qu'une personne en pleine journée, elle est dehors, elle a besoin d'un dalil pour comprendre qu'il fait jour, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Afillahi shak. Y a-t-il le moindre doute concernant Allah, concernant l'existence d'Allah? À partir du moment où la personne, elle doute de l'existence d'Allah, c'est qu'il y a un problème. Et donc ici, barakallahu fikoum, on a vu aujourd'hui le tawhid dans l'unicité. Et le fait d'accepter le tawhid dans l'unicité, le fait de dire que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, cela n'est pas suffisant pour que l'individu rentre en islam. Mais il faut encore plus que cela. Et la suite, on verra bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.